cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Qala al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah, amma les titres qui sont entre crochets, ça fait pas partie de la risala, c'est des ajouts du muhakkik pour nous faciliter. فقال مذهب السلف في الأسماء والصفات. Ce chapitre il est très très important et ça nous montre fiqh هذا الإمام رحمه الله. Avant de citer certains attributs d'Allah سبحانه وتعالى كالاستواء والعلو وصفة اليدين والوجه إلى آخره, الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله il va citer un كلام important. Et en fait, c'est des qawa'id, c'est des règles fi bab al-mu'taqad, fi bab al-asma'i wa-sifat. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, c'est un imam fi al-aqida, il a expliqué beaucoup de livres dans son explication de l'um'atul i'tiqad. Avant d'expliquer la parole d'Ibn Qudama, rahimahullah, il a cité des règles. En fait, il les a résumées de son livre al-qawa'id al-mutla. Et l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah, avant de citer certains attributs, il a cité هذا الكلام المفيد qu'on va lire ensemble et inshallah on va essayer de retirer des règles importantes qui vont nous servir pour tout le livre. لأن ما من علم il est fondé sur des règles. Si tu veux comprendre le fiqh, fais des efforts fil usul. Ça t'aidera à comprendre les preuves. Tu veux comprendre le hadith, fais des efforts fil qawa'id al-hadith, qawa'id al-mustalah, ça va t'aider à comprendre. Pourquoi cet imam il dit que ce hadith il est daïf? Pourquoi cet imam il dit qu'il est sahih? Si tu veux comprendre l'aqida, khassatan bab al-asma wa sifat, il y a des règles. Enfin, si tu as compris ces règles, inshallah, ça va être un manhaj pour toi. Ça va te faciliter l'apprentissage de tout ce ilm. Qala rahimahullah, i'lam, waffaqana Allah wa iyyak, lima yurdih min al-qawl, wal-niyya wal-amal. وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل. وهذا سيان دعاء عظيم تقدم معنا في الدرس السابق أنه إلى سيت البسملة إلى آخره. وكذلك في هذا premier chapitre رحمه الله إلى في هذا الدعاء العظيم أن الله سبحانه وتعالى إنه فاسيليت. وهذا من الثمرات الطيبة que tu profites en lisant les livres de Haoula. I'lam waffaqana Allah wa iyyak. Il fait ce dua pour qui, هذا l'imam? Pour lui, et كذلك pour le lecteur. Enfin, si tu fais partie de ceux qui lisent les livres des imams de la sunnah, fa inshallah tu profiteras. Tu profiteras de leurs invocations, bi'idhnillahi azza wa jal, tu profiteras de leur ilm, tu profiteras de leur comportement, tu profiteras de leurs conseils. Enfin, la lecture fiha khayr azim. Qala لما يرضيه من القول والنية والعمل هذا الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يتفصلت الأقوال والأعمال وكذلك النيات كالله سبحانه وتعالى إلّم كالله سبحانه وتعالى إلّا accept أي tous les actes, toutes les paroles, toutes les intentions que Allah إلّم وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل. Et ça c'est un دعاء كالله سبحانه وتعالى nous préserve de l'égarement. الزيغ والزلل, c'est le contraire de الهدى والرشد, la guider, le bon chemin. قال أن صالح السلف وخيار الخلف. السلف, c'est les premières générations, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum, ثم les imams qui sont venus après eux, ثم la génération qui est venue après eux. هؤلاء العلماء, ils les appellent السلف الصالح. وخيار الخلف, الخلف c'est ceux qui sont venus après eux. فالسلف c'est les premières générations et الخلف c'est ceux qui sont venus après eux. والسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله عز وجل. هؤلاء السلف et ceux qui sont venus après eux من أئمة الإسلام والسنة اتفقت أقوالهم, ils étaient tous d'accord, ça c'est نقل الإجماع. Ils étaient tous d'accord, il n'y avait aucune divergence entre eux. Fi hadha al-bab, bab al-iman billah. la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils avaient tous la même croyance. En Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique fi rububiyya. Tawhid al-rububiyya. Et en Allah azza wa jal, c'est le créateur. Et ça, ça fait partie de l'iman billah. En Allah azza wa jal, c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui donne à qui il veut azza wa jal. C'est lui qui guide, c'est lui qui égare. C'est lui qui a créé jami' al-makhlouqat. C'est lui qui gère hadha al-kawn. Cet univers, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le gère. Cette aqidah, ils étaient tous unanimes. Kadhalik, min al-iman billah, an Allah azza wa jal, huwa al-mustahiq lil-ibadah. Et ça, c'est tawhid al-uluhiyya qu'on a détaillé ensemble, walillahi alhamd, dans les durus fi al-tawhid. Fal-a'imma, les premières générations, et jusqu'à aujourd'hui, walillahi alhamd, a'immatul millah, a'immatul sunnah, ils sont tous d'accord sur ces points. An Allah azza wa jal, c'est le seul qui mérite d'être adoré. Et c'est l'explication de la ilaha illallah. Et كذلك من الايمان بالله الايمان باسمائه وصفاته ان الله عز وجل il a des noms, il a des attributs. فالسلف كانوا يؤمنون بهذه الاسماء والصفات. Et ce point, c'est ce point qu'il va détailler رحمه الله dans cette risale. اما الربوبيه فحتى بعض الكفار يعتقدون ان الله سبحانه وتعالى c'est الرب كما تقدم معنا. Donc, l'ulama, il ne détaille pas ce point en général. Il y en a, tout le monde l'accepte. Illa mukabir, illa quelqu'un qui a de l'orgueil, comme Fir'aoun, qui l'a rejeté en apparence, lakin, au fond de lui, il savait très bien que Moussa, il avait le haqq. Tawhid al-uluhiyya, l'iman bil-uluhiyya, on l'a détaillé ensemble, wa lillahi alhamd, dans les durus fi tawhid. Wa al-iman bi asma'illahi wa sifatihi, ça sera l'étude de cette risala. Et si on peut d'autres livres, incha'Allah ta'ala. Qal wa annahu ahadun. فرد صمد حي قيوم سميع بصير. Il a cité certains noms. في التحقيق قال اسم الفرد لا يثبت أنه من أسماء الله تعالى. نعم فلا لا يثبت. Et ça ressemble au اسم الأحد. أي أن الله سبحانه وتعالى il est unique عز وجل. ثم il a cité d'autres noms. الصمد الحي القيوم السميع البصير. Qu'on verra ensemble, inshallah, dans cette risala ou autre. قال لا شريك له ولا وزير. لا شريك له, أي Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'associé. قوله ولا وزير, أي الوزير c'est le mu'in, le musa'id. Allah, il n'a pas de wazir. Ils traduisent par ministre. لماذا لأن الملك في الدنيا, l'être humain, le gouverneur, si c'est un roi, un président, il a akhri, il ne peut pas tout faire tout seul. La boudlahu min wazir, bel plusieurs. Un wazir dans tel domaine, un wazir dans tel domaine, un ministre de telle chose, de telle chose. L'imam al-Allah, il ne peut pas tout faire tout seul. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de wazir. C'est al-ahad, al-hay, al-qayyum. Bel, c'est le makhloukat qui ont besoin de lui. Et hada, c'est min ma'ani al-qayyum. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin de personne et toutes les créatures, ils ont besoin de lui. Fala shariq, il n'a pas d'associé et kadhalik, il n'a pas de wazir. Pas d'associé et il n'a pas besoin d'aide, azza wa jal. Qala, wala shabiha lah, wala nadhir, wala adl. Kadhalik, yajouz fil lugha adl. Fas ce mot, tu peux le lire bil kasr ou bil fath, adl ou adl. Qala wala mitla. Et tous ces mots, en fait, ils se ressemblent. La sharik, ou la wazir, ou la shabih, ou la nadir, ou la adl, ou idl, ou la mitl. Tous ces mots, ils ont le même sens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin de personne. Il est unique, il n'a pas d'associé. Il n'a pas besoin d'aide, azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'ahad. Ce samad, lam yalid, ou lam yulad. Il n'a pas de compagne, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Limadha li'annahu, c'est al-rab, c'est le khaliq. C'est le créateur. Et autre que lui, Azza wa Jal, c'est la créature. Fafi hada al-kitab, tu vas étudier quelques attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'aqidah que tu dois avoir. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé. Et tu dois, en tant que makhlouq, connaître al-khaliq subhanahu wa ta'ala. Avec des informations qui sont faites au Coran ou au Sunnah. De ce point, avec tout ce qu'on vient de lire, tu peux tirer une qa'ida azima. Et fil haqiqa, c'est la règle sur laquelle reposent tous les noms et tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et بعض العلماء يقولون اي cette règle, et ils l'ont formulée sous une phrase qui est connue walillahil hamd, qui est facile à retenir, wa hiya ithbatun bila tamthil wa tanzihun bila ta'til. Vous avez remarqué que l'imam al-Hafidh Abd al-Ghani al-Maqdisi rahimahullah, il a cité des noms et des attributs. Al-Hayy al-Qayyum al-Sami' al-Basir, c'est des noms, et chaque nom, comme Zayati ma'ana, il englobe un attribut. Donc, en tant que musulman, la bud an nuthbit hadhihi al-asma' wa hadhihi al-sifat. Limada? Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité ces noms et des attributs dans le Coran, et kadhalik, il les a révélés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Sunnah. Donc, la bud min hadha al-ithbat. Lakin, vous avez remarqué que, après avoir cité ces noms et ces attributs, l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah, قال la sharika la, wa la wazir, wa la shabih, wa la mathil ila akhir. Limada? Pour ne pas que tu penses que ces noms d'Allah ou ces attributs d'Allah, c'est comme ceux des créatures. Donc, ça te donne une qa'ida muhimma, wa hiya, on la répète, ithbatun bila tamthil. وَتَنْزِيهُنْ بِلَا تَعْطِيلُ. Et on va l'expliquer ensemble. بِعَوْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى وَمَذْهَبُ السَّلَفِ إِثْبَاتٌ بِلَا تَمْثِيلُ وَتَنْزِيهُنْ بِلَا تَعْطِيلُ كَمَا قَالَ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهَذَا رَدٌ عَلَى الْمُمَثِّلَةِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ رَدٌ عَلَى الْمُعَطِّلَةِ انْتَهَى. شيخ الإسلام, il a résumé cette règle en une phrase dans le fatawa. Madhhab as-salaf, c'est quoi la voie des salaf? Dans tous les attributs qu'on va étudier ensemble. Fali hadha, l'imam Abdul Ghani, on répète rahimahullah, il a cité ce qu'elle aime au départ. Et ces attributs que tu vas étudier, fais attention de ne pas les comprendre comme tu veux toi. Ou avec la compréhension de un tel minanna sans revenir au salaf. Ou en se basant sur des rêves. Ou sur des ondits. Là, هذه العقيدة, elle est fondée sur le Coran ou la Sunna. فمذهب السلف, c'est quoi dans chaque attribut? إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. On commence par la première partie. قال رحمه الله كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهذا رد على الممثلة. N'importe quel attribut. Si on prend مثلا l'attribut de la main, Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ. Et dans le hadith, كِلْتَ يَدَيْهِ يَمِينَ. Par Allah, il a deux mains. Et on a des preuves, et inshallah, c'est يَأْتِي مَعَنَا. Lakin, pour expliquer la règle, أَنَّ هَذَا الْإِثْبَاتِ, tu as la croyance, la conviction, أَنَّ اللَّهِ il a des mains. Fais attention au tamthil. فَإِثْبَاتِ, ça veut dire quoi l'إِثْبَاتِ? Ça veut dire que tu affirmes, que tu acceptes أَنَّ اللَّهِ il a des mains. Pourquoi? لِأَنَّ t'as une preuve dans le Coran, dans le Sunnah, sans faire de tamthil. إِثْبَاتٌ بِلَا تَمْثِيلٌ. فَأَنْ دِكَ اللَّهِ لَا دِمَّا, Allah il a un visage, Allah il descend au dernier tiers de la nuit, Allah il est au-dessus de son trône, Allah il a du ilm, Allah il a une vie, Allah il a la capacité, il fait ce qu'il veut, il a akhiré. Tous ces attributs, ça ressemble en aucun cas aux attributs des créatures. مثلاً, Allah il a deux mains. Nous en tant qu'êtres humains, la plupart des êtres humains, wallahi alhamd, ils ont deux mains. Est-ce que c'est les mêmes mains? Abadan. إثبات بلا تمثيل. Tu dis Allah subhanahu wa ta'ala il a des mains. Il a toujours eu des mains. Et Allah il a eu des mains avant de créer l'être humain qui a des mains. Enfin, les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas comme les mains des créatures. قال عز وجل ليس كمثله شيء. Il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la première partie. Toutes les sifat. مثلا la vie. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hayy. Donc il a l'attribut de la vie, al-hayatu. Et la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est parfaite. Les attributs d'Allah, ils sont tous parfaits. Donc Allah, sa vie, elle est parfaite. Elle n'est pas précédée par le néant. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne mourra jamais. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dort pas, il n'est pas atteint par les maladies, par les faiblesses. Sa vie, elle est parfaite. Donc, ithbatun, nuthbit, anna Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hayy. Mathalan, kama vi ayat al-kursi. Ayat al-kursi, al-hayy, al-qayyum. Donc, On a un délire qu'Allah il est vivant. L'être humain, je suis vivant, l'akh il est vivant, on est vivant. Est-ce que on peut comparer les deux vies? Pourquoi? Parce que tu as un délire. Laisse ça comme il est. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une vie, laquelle elle a été précédée par le néant. Al-Adam. Kadhalik, elle sera suivie par la mort. Kadhalik, cette vie, elle est faite de haut et de bas, de faiblesse, de maladie, d'oubli. Cette partie, elle est comprise, inshallah, et elle est très très importante. Ithbatun bila tamthil. Testavi d'une faïda importante ici. Anna al-ishtiraku fil lafz. Ça veut dire quoi, l'ishtirak fil lafz? Ça veut dire, Allah il a une vie, l'être humain il a une vie. Un ishtirak fil lafz, c'est le même lafz, c'est le même nom. Mathalan, j'ai deux mains, tu as deux mains. Allah il a deux mains. Hadha al-ishtirak fil lafz, le nom c'est le même, ça n'implique pas que la sifa c'est la même. Al-ishtirak fil asma la yalzamu min al-ishtirak fil sifa. Hakada yaqul ulama as-sunnah. Ça c'est très très important. Pourquoi les anna, tous les groupes qui se sont égarés fi hadha al-bab, ils n'ont pas compris ce point. Ils ont pensé que si tu dis qu'Allah il a des mains, ça veut dire que tu le fais ressembler à la créature. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah il a pas de mains. Amma nahnu là, on dit Allah il a des mains, l'être humain il a des mains, lakin ça se ressemble pas. Limadha li anna Allah il fait ce qu'il veut. Allah il a des mains, il a créé l'être humain avec des mains et il nous a informé azza wa jalla annahu c'est pas la même chose. Laysa kamithlihi shay. Enfin, pourquoi penser que c'est la même chose? Iyadan billah. Enfin, ceux qui ont pensé que c'était la même chose, anharafu. Deuxième partie, وَتَنْزِيهٌ بِلَا تَعْطِيلٍ. تَنْزِيهٌ بِلَا تَعْطِيلٍ. Ça veut dire quoi, هذا? Ça veut dire que نُنَزِّهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنِي الْمَثِيلِ. On dit maintenant, on garde toujours l'exemple des mains. On dit أن الله عز وجل, ses mains, ce n'est pas comme les mains des créatures. هذا تَنْزِيهٌ. لكن sans faire de تَعْطِيل. On dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ses mains, c'est pas comme celles des créatures, laquelle on dit, on fait pas comme Ahlul Bida'a. Min Jahmiya wa Mu'tazila wa Ash'ira. Qu'est-ce qu'ils ont conclu? Ils ont dit, comme nous, Allah, il peut pas avoir des mains comme celles des créatures. Ils ont conclu quoi? Allah, il a pas de mains. Nahnu là, on dit, Allah, ses mains, c'est pas comme celles des créatures, laquelle il a des mains. Si tu as compris, tu as compris l'un. Hadihi al-qa'ida al-muhimma. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. Donc on fait attention à ces deux choses, التمثيل والتعطيل, qu'on détaillera inshallah قريبا. La deuxième قاعدة, أو نقرأ كلام الحافظ عبد الغني ثم نسيت خلا قاعدة. قال رحمه الله وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قوله موصوف بصفات, هذا تقدم أن الله سبحانه وتعالى إلى des attributs qu'il a cité عز وجل في القرآن وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله القديمة هنا, ne pas comprendre القدم أنه, ils traduisent par ancien, ne pas comprendre anna ses attributs, à un moment donné, Allah il les avait pas. Là, huna al-murad bil-qadima, comme il démontre al-shurrah, quand il cite hadha al-kalam min al-ulama al-qadima, ay al-azaliyya. C'est la même chose. Al-azaliyya, al-azal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une chose qui n'a pas de début. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'awwal. Min asma'ihi al-awwal. Huwa al-awwal wal-akhiru. Donc Allah c'est l'awwal, ma'na l'awwal ce nom, Allah c'est le premier, il n'y a rien qui précède Allah. Allah il a toujours existé. Wa hakada ses attributs. Falihada ja'a fil hadith que l'imam Abu Daoud il a rapporté rahimahullah et que Cheikh Al-Albani l'a sahah parmi les ad'iyah pour avant de rentrer au masjid, qawluhu alayhi salatu wassalam, a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim وسلطانه القديم وسلطانه القديم. فهنا وصف سلطانه عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا السلطان بالقدم. هذا سان دليل que العلماء cite pour démontrer que ce n'est pas القدم des makhlouq. Tu dis, anta, cette créature, elle est ancienne. Elle a eu un début. Amma fi sifatillahi azza wa jal, quand on dit al-qadima, fala, ça ne veut pas dire qu'il y a un début. Abadan. C'est pour ça que fi sifat al-kalam, ils disent qadimatun naw'. Et Allah, il a toujours eu l'attribut de la parole. Comme taqaddam ma'ana fi al-lum'a, ou fi al-lamiyya, les frères qui étaient avec nous. Qadimatun naw', et Allah, il a toujours eu cette sifa. Les qadima, et azaliyya. Allah, il a toujours eu l'attribut de la parole. Il n'y a pas eu un moment où Allah, il n'avait pas cet attribut. Les mal, les anas, c'est du naqs. Hada qawluhu al-qadima, et ceux qui n'ont pas tout saisi, inshallah, dans les durus, petit à petit, on comprendra mieux. Ma yata'alaq bi as-sifat. Et les taqsimat, inshallah, qu'on verra ensemble fi al-qawaid al-mutla. Lakin, on a cité hada, les mal, les anna al-mu'allif, qala al-qadima. قال وصح بها النقل عن نبيه وخيرته من خلقه محمد سيد البشر الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده وأقام الملة وأوضح المحجة وأكمل الدين وقمع الكافرين ولم يدع لملحد مجالا ولا لقائل مقالا أي أن هذه الصفات tu as deux sources. القرآن لأنه قال وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة التي نطق به بها كتابه العزيز. Donc la première source des noms et des attributs, c'est le Coran al-Karim. Donc quand on a un nom ou un attribut sur le Coran al-Karim, on n'a pas le droit de le rejeter. On n'a pas le droit de le déformer. On n'a pas le droit de le comprendre comme on veut. أبدا. لماذا لأن الله عز وجل أعلم بنفسه. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est décrit avec certains noms, certains attributs. Enfin, on n'a pas le droit de faire passer les passions. Allah azza wa jalla, il a dit qu'il avait deux mains, il a deux mains. L'imam a pensé que ça ressemble aux créatures. Allah, il a dit qu'il a deux mains et il a dit qu'il ne ressemble pas aux créatures. Laysa kamithlihi shay. Et vous avez remarqué, on ne l'a pas cité, on le cite là, dans le verset, dans la première qaïda, wa huwa sami'ul basir. C'est ça l'ithbat. إثبات السمع والبصر أن الله لا سي صفات et en même temps dans le verset au début قال ليس كمثله شيء أي ne crois pas que السمع والبصر أي qu'Allah il entend et il voit c'est comme les créatures أبدا Allah il voit tout il entend tout أما l'être humain même s'il a l'attribut de l'ouïe il entend et de la vue avec des faiblesses il a آخر donc la première source Al-Qur'an la deuxième وصح بها النقل عن نبيه صلى الله عليه وسلم اي la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام وانتبه هنا لهذا القيد وصح لان si on a un ism un nom ou un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala dans un hadith ضعيف c'est pas une preuve فلهذا on a pas lu في التحقيق لكن اسم الفرد مثلا بعض العلماء يقولون هذا اسم من أسماء الله دوت صامون يقولون صافي با بارتي دي نون دالله لماذا لأن الحديث لي ضعيف اي لا سيتي في الحاشية حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إنك أمرت بالدعاء إلى آخره على فما أشهد أنك فرد صمد هذا الحديث بعض العلماء يقولون لي ضعيف دونك يزون با أكسبتي هذا الاسم لماذا لأن يا با دو بروف sauf ce hadith dhaif il est faible wallahu a'lam donc la deuxième source sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala farawa tariq ibn shihab tariq ibn shihab radiyallahu anhu c'est un sahabi lakin il faisait partie des sahaba radiyallahu anhum qui étaient très très jeunes à la mort du prophète alayhi salatu wa sallam fa il a vu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lakin lam yasma' minhu il n'a pas entendu du prophète alayhi salatu wasalam فلهذا هنا il rapporte l'histoire عن عمر قال جاء يهودي الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا امير المؤمنين ايه في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر يهود نزلت نعلم اليوم الذي نزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا ce juif il a dit au prophète alayhi salatu wasalam il y a un verset qui est descendu sur vous et sur la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans qui ont accepté le Coran, قالوا si il serait descendu sur nous, les juifs, et on aurait su c'est quel jour, on aurait pris ce jour comme Eid. انظر هذا اليهودي, si il a donné de l'importance à ce verset, c'est qu'il a compris le verset awwalan, et il a su que ce verset avait une ma'na azima. Tu trouves des Yahoud, ils ont reconnu que ce verset matalan, il avait une manzil azima. La preuve, c'est que s'il était descendu sur eux, ils auraient pris ce jour comme Eid. Ça nous montre que le tawfiq, c'est biyadillah. Ça ne suffit pas l'ilm. Pourquoi il a donné de l'importance à ce verset et il a espéré, ou il a montré que s'il était descendu sur eux, ils auraient pris ce jour comme Eid. Il a compris le verset. Al-Yahoud, à cette époque, ils vivaient fi Al-Madina, c'était des arabophones. Ça nous montre que ça ne suffit pas l'ilm seul. Al-ilm avec le tawfiq, al-ilm avec le dua, al-ilm avec le tawadu, la modestie, placer sa confiance en Allah Azzawajal, espérer la guider min Allah Azzawajal. Amma mujarrad ilm, fa kam min al-nas, ils ont du ilm. Ghayri al-maghdoubi alayhim. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala wassafa ha'oula al-Yahoud bil-maghdoub alayhim. Pourquoi Allah s'est mis en colère contre lui? Parce qu'ils savent. Mitla hada, il sait là, il dit à Omar radiyallahu anhu, on a ce verset kada, et ma hada ma amanu, ayyadam billah. Donc on fait attention à hada. Ilmoun avec amal, et ilmoun avec dua. Et daiman on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq. Qala, Omar radiyallahu anhu, ayyu ayatin, ay quel verset? Qala, al-yawm akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati. ورضيت لكم الإسلام دينا. Ça, ça nous montre que هذا اليهودي كان يحفظ شيء من القرآن. Il connaissait ce verset. La preuve, il l'a récité. لكن الشأن كل الشأن في العمل والإنقياد والاستسلام. Se soumettre et mettre en application. أما مجرد mémoriser, pouvoir citer les أدلة sans appliquer. Face à une hujja contre celui qui a ce علم. والله أعلم بهذا اليهودي. Est-ce que c'est devenu un musulman là? Allah a'lam bihalih. Lakin, ala al-qadr al-nas, c'est pas devenu un muslim, on a cité le kalam précédent. Qala fa qala, ay Umar radiyallahu anhu, inni la a'lamu al-yawm al-ladhi nazalat wal-makan, nazalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa nahnu bi'arafa, ashiyat jumu'a. Umar radiyallahu anhu, il a dit à ce juif, anna je sais quand est-ce qu'elle est descendue, le moment et le lieu et l'endroit. Et le moment c'était fi Hajjat al-Wada' et le lieu c'était à Arafah. Pourquoi l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi l'a cité هذا الدليل هنا? Pour nous montrer أن دين الله il est كامل. T'as pas besoin de rajouter. Les noms et les attributs, certains ils sont cités fi le Coran ou fi le Sunnah. D'autres Allah subhanahu wa ta'ala il les a pas cités. فنحن, on n'a pas besoin de rajouter ou de déformer. Tout ce qui est fi le Coran ou le Sunnah, nous'min bih. C'est pour ça qu'il a cité هذا الدليل اليوم أكملت لكم دينكم هذا الباب. Et c'est ça notre قاعدة. Et c'est la deuxième. أن هذا الباب العظيم باب الأسماء والصفات توقيفي. بعض العلماء يقولون الأسماء والصفات توقيفية. Ça vient de قف. Tu connais le mot قف. أي stop. أي tu dois t'arrêter في هذا الباب عند النصوص aux preuves. Mathalan, بعض الناس m'ont demandé est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a telle sifa, on n'a pas de dalil, on s'arrête. Même la question c'est pas tayyib, t'as pas à poser cette question. Les noms qu'on a dans le Coran, les attributs qu'on a dans le Coran et kadalik dans le sunnah, fa nu'min. Nu'min biha. Si on n'a pas de dalil, Allahu a'lam. Si c'est un naqs, mahdh ila akhirih, fa Allah subhanahu wa ta'ala nazzaha nafsahu 'anil naqs. Allah subhanahu wa ta'ala il a pas de faiblesse, il a pas de défaut, fa on dira que cet attribut qui est basé sur la faiblesse, Allah il l'a pas. C'est ça, manhaj al-salaf. C'est fondé sur des règles. قال الإمام ابن مندى رحمه الله وأهل السنة والجماعة لا يثبتون لله إلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. C'est ça la règle. مذهب السلف أهل السنة لا يثبتون لله إلا ما أثبته لنفسه. On dit que tel attribut, c'est un attribut d'Allah ou tel nom, c'est un nom d'Allah, si on a une preuve du Coran ou de la Sunna. Wa illa, fa on se tait. Al-asma wa sifat, c'est un bab tawqifi. Et tu dois t'arrêter à la preuve. Wa qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, fi al-qa'id al-muthla, wa amma al-aql fa naqul, inna tafsil al-qawl fi ma yajib, aw yamtani, aw yajuz, fi haqqillahi ta'ala min umur al-ghayb, allati la yumkin idrakuha bil-aql. Pourquoi la raison n'a pas sa place via هذا الباب? لماذا لأن هذا الباب سمين أبواب الغيب? Est-ce qu'on a déjà vu Allah عز وجل? Est-ce que Allah il est un semblable que tu as vu? Na'oudhu billah. Laysa kamithlihi shay. Personne ne ressemble à Allah. Il te reste qu'une chose. Kama bayyana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il a démontré là pour connaître une chose, pour pouvoir décrire une chose, savoir une chose, tu as trois turuq. Tu as trois façons. Imma tu as vu cette chose. Mathalan, je te dis, décris-moi ce cahier, je te le montre. Fal'an, tu le vois. Tu vas me dire, il est telle couleur, il est bleu, il est la taille, il est akhir. Tamam. Imma tu as vu un semblable. Mathalan, je te cache ce cahier, je te montre le même. Et je te dis, décris-moi celui qui est caché. Et je t'informe que c'est le même. Enfin, t'as plus qu'à décrire celui que tu vois. Haqiqa, c'est la description de celui qui est caché. Les manas, les anaoum, ils sont identiques. Deuxième point. Troisième point, on t'a informé. Matalan al-akh, il informe al-akh. Comment il est le cahier? Al-akh, il l'a jamais vu. Si c'est une personne de confiance, non, tu vas dire, non, je sais comment il est, l'akh, il m'a informé, il est kada, kada, kada. Tu vois, c'est trois points. As-sifat, si on revient au sifat, Allah subhanahu wa ta'ala, on l'a jamais vu. Deuxième chose, Allah, il n'a pas de semblable. Laysa kamithlihi shay, il est unique. Il te reste que la troisième, al-khabar. Al-khabar, c'est quoi le Coran ou le Sunnah? Enfin, les informations que tu as fait le Coran ou le Sunnah, accroche-toi. C'est ça ta aqida. Et le reste, autre. C'est pour ça qu'ils disent, an al-asma wa sifat tawqifiyya. Qala Sheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah. فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. Vu que la raison, elle ne peut pas comprendre ces choses. C'est des choses qui font partie de l'invisible. C'est comme si on demande à Wahed l'an, décris-nous Al-Jannah. Avec ta raison. Fais des efforts, peut-être tu vas trouver. C'est impossible. لماذا لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Aucun cœur ne peut s'imaginer ce qu'il y a fait le Jannah. Enfin, ça ne sert à rien de faire des efforts et essayer de trouver. والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. Donc, هذا سبب. Il n'y a pas de place pour l'ijtihad. Il n'y a pas de place pour le qiyas. Il n'y a pas de place pour les efforts d'interprétation, pour le qiyas, la comparaison. Pour Fulan, il a dit, on m'a rapporté. La قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Et tu t'arrêtes. C'est pour ça qu'il appelle tawqifi. Ça vient de s'arrêter. نكمل كلام الحافظ رحمه الله ثم إن شاء الله on cite un point important. قال فآمنوا. Ça c'est une نصيحة de l'imam عبد الغني المقدس رحمه الله. فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأمروه كما ورد من غير تعرض لكيفية أو اعتقاد شبهة. نعم. قال في الحاشية كذا في المطبوع ولعل صوابه شبه سأقرب أو اعتقاد شبه أي ressemblance. Ça vient de الشبي. C'est comme ça ressemble au مثيل. C'est pour ça que juste après قال أو مثلية أو تأويل يؤدي إلى التعطيل. التأويل هنا في الحقيقة لفظة التحريف سأدق كما سيأتي إن شاء الله. قال ووسعتهم السنة المحمدية والطريقة المرضية ولم يتعدوها إلى البدعة المرضئة الردية فجاوزوا بذلك الرتبة السنية والمنزلة العليا. C'est ça la voix des salaf. قوله فآمنوا بالله أو بما قال الله c'est l'ithbat. Tout ce qu'on a dans le Coran et la Sunna, إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. On revient à la première règle. Et كذلك la deuxième règle, أن الأسماء والصفات توقيفي obligé d'avoir un délit من القرآن ou من السنة. ثم هنا il a précisé on doit s'écarter de plusieurs choses. التكييف والتمثيل والتعطيل والتحريف. Ces quatre choses, احذر أخي الكريم. لماذا لأن السيرة qu'on a cité, elles sont très très importantes. Si tu les as compris, tu les mets en application. ثم fais attention à ces quatre choses. كثير من الناس, ils se sont égarés dans ce chapitre des noms et des attributs à cause de ces quatre choses ou une de ces quatre choses. Et on les résume pour conclure هذا الدرس. أولا, on lit la parole de l'imam ibn Taymiyyah رحمه الله في الواسطية. قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف بما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Ça c'est la règle. الإيمان بالله c'est إثبات بلا تمثيل تنزيه بلا تعطيل, ce qu'on avait ensemble. Et بما وصف به نفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم c'est توقيفي, obligé d'avoir un délit. Cheikh l'Islam, il a résumé en une phrase tout cela. C'est pour ça que le wasitiyya, il est très très important. Et tu comprends un al-iqtisad fi al-i'tiqad al-wasitiyya fi al-haqiqa, il se ressemble. Celui qui a compris l'iqtisad fi al-i'tiqad, il comprendra le wasitiyya. Amma nahnu, et c'est une remarque importante, on ne va pas détailler kathiran dans ce matn. Aujourd'hui, on a pris le temps, il y en a, c'est des bases importantes, des règles qu'on doit avoir. Thumma, ça ira beaucoup plus rapidement. On ne détaillera pas tout. Et on essaiera de détailler akthar, inshallah, ensemble, fi sharh al-wasitiyya. On revient à sa parole. Qala, min ghayri tahrif, wala ta'til, wa min ghayri takif, wala tamthil. Il a cité les quatre choses qu'on doit, on doit s'écarter de ces quatre choses concernant les noms et les attributs. Premièrement, qala, min ghayri tahrif. On résume. Si, مثلاً, Allah subhanahu wa ta'ala, il a informé qu'il a deux mains. تقدم معنا les règles. On a un délil dans le Coran, بل يداه مبسوطتان. Donc, on dit Allah, il a deux mains. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل, c'est ce qu'on a détaillé et on détaillera l'un أكثر. أولاً, Allah, il a deux mains, fais attention au tahrif. Ça veut dire quoi, tahrif? C'est تغيير اللفظ أو لفظ نعم الاسم أو الصفة أو معناها. C'est ça التغيير, c'est ça التحرير. C'est changer إما le لفظ إما le معنى du nom أو de l'attribut. Changer إما le لفظ, مثلا قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى. Qu'est-ce qu'ils ont dit le جهمية? Ils ont dit أي الرحمن على العرش استولى. Ils ont rajouté un lam. Istawa, Allah قال istawa, eux ils ont dit istawla. Limada lana al-istiwa, ça veut dire être au-dessus. Istawla, ça veut dire envahir une chose, posséder une chose, il a akhir. Fa unzuru at-tahrif. Ils ont changé le ma'na comme on verra inshallah fi bab al-istiwa. Ça c'est pour vous montrer que le tahrif ça peut être dans le lafz lui-même, rajouter une lettre ou enlever une lettre. Ou rajouter un mot. مثلا قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ينزل ربنا أي الله descend. Qu'est-ce qu'ils ont dit أهل البدع؟ ينزل أمر ربنا. Ils ont rajouté un mot. Allah il a jamais parlé de l'amr. Il a dit, le prophète صلى الله عليه وسلم il a démontré que c'est Allah qui descend. عز وجل. هم ils ont rajouté un mot. هذا تحريف. كذلك ça peut être في المعنى. Ça peut être dans le sens. مثلا الأشاعرة, ils disent que Allah il a deux mains. Ils disent نعم Allah il a dit بل يداه مبسوطتان, il a deux mains, لكن ça veut dire quoi? Ils ont harf le sens, ils ont déformé le sens. Ils ont dit les mains ça veut dire la force, ça veut dire la puissance, ça veut dire la ni'ma. Il a akhir. Est-ce que Allah il a que deux forces? Est-ce que Allah il a que deux ni'ma? Il a dit بل يداه, ça montre que c'est deux mains. Amma Allah il a la force mutlaqa, il fait ce qu'il veut عز وجل. Et inshallah, petit à petit, on fera des rodeaux de mukhtasara ala haoula. Faqat pour vous montrer, on fait attention au tahrif. Donc, tahrif, ça veut dire quoi? Ça veut dire déformer. Imma le sens, imma le mot lui-même. En ajoutant ou en enlevant. Donc, nahnu matalan Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe qu'il a un wajh. Wa yabqa wajhu rabbik. Allah, il a un wajh, un visage. On dit Allah, il a un visage. On ne fait pas de tahrif. Comme ils font ahlul bida' wa dalal. قوله التعطيل ولا تعطيل. التعطيل c'est quoi? C'est inkar ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات. C'est rejeter un nom ou un attribut que Allah subhanahu wa ta'ala il a affirmé. إما dans le Coran, إما dans la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. كتعطيل الجهمية لجميع الأسماء والصفات. الجهمية ils ont rejeté tous les noms et les attributs. أو تعطيل المعتزلة للصفات. أو تعطيل الأشاعرة لبعض الصفات. Ça nous montre que le ta'atil peut être kulli iyadan billah, comme le jahmiya, c'est des kuffar. Al-ulama kaffarouhum. Ou ça peut être une partie, comme l'ashaira. Ils acceptent certains attributs, ils rejettent d'autres à cause des passions iyadan billah. Fa'ida. I'lam. Wa hada taqaddam ma'ana. Si tu arrives à retenir, ça va t'être utile, inshallah, dans ton étude des noms et des attributs de cette aqida. I'lam, waffaqani Allah wa iyyak, anna asl al-dhalal fi hadha al-bab, ay fi bab al-ta'til, c'est quoi? Annahum i'taqadu at-tamthil awwalan. Ça nous montre que tamthil, qu'on verra ensemble, inshallah, et at-ta'til, c'est lié. Pour vous simplifier, chaque mu'attil, al-mu'attil c'est celui qui fait du ta'til, c'est celui qui rejette les noms. Mathalan, on garde toujours les noms, les attributs des mains. Allah il a deux mains. Les mains d'attalou, avant de faire du ta'til, de rejeter l'attribut, ils ont fait du tamthil. At-tamthil c'est fait ressembler. Eux ils se sont dit quoi? Ahlul bid'a, que ce soit l'ash'ira, l'jahmiya, al-mu'tazila, tous les mu'attil, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pensé que quand tu dis qu'Allah il a des mains, pourtant c'est Allah qui le dit dans le Coran. Ils ont pensé que c'était comme la main des créatures. Summa, donc ils ont fait du tamthil, ils ont dit c'est la même chose. Summa, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plusieurs groupes. Un groupe qui a dit, na'am, Allah il a dit qu'il a deux mains, donc c'est comme les mains des créatures. Al-mumathila, ayyadam billah. Un groupe qui dit que les mains d'Allah c'est comme les mains des créatures. Ce groupe l'an il est, ربما لا يوجد الى قليل. لكن il a existé. Al-mumathila, ils ont fait ressembler Allah à la créature. Ils se sont égarés. Un autre groupe, c'est le mu'attila. Et le mu'attila, il y a plusieurs groupes. Al-mu'attila, ils ont dit si tu dis qu'Allah il a des mains, tu le fais ressembler aux créatures. Vu que les créatures ils ont des mains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Al-jahmiya, ils ont dit Allah il a pas de mains. C'est pas possible. Al-mu'tazila, ils ont dit Allah il a pas de mains, c'est pas possible. Mu'attila, ils sont, ayyadam billah, al-jahmiya, ils sont sortis de l'islam. Al-mu'tazila, c'est des dhullal. Tu as un autre groupe qui s'appelle al-ash'ira, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, na'am, Allah il a dit qu'il a des mains, et les créatures, ils ont des mains, donc, Allah il ressemble pas à la créature, c'est pas possible, donc, en fait, c'est pas des vraies mains. Allah il a dit des mains, mais en fait, le sens c'est al-quwa, al-qudra, bal yadah mabsoutatan. Et c'est sa force, c'est ni'am ila akhiri. C'est grave. Les mains d'Alianoum, ils ont expliqué comme ils veulent. Ahle Sunna, ils leur ont répondu, mais l'être humain aussi, il a de la force, il a de la qudra. Donc, tu dois déformer la force. Allah subhanahu wa ta'ala, il a une vie, l'être humain, il a une vie. Comment ils vont expliquer la vie d'Allah? Ils vont la déformer par quoi? C'est les passions, yadam billah. Et inshallah, on ne s'étale pas, on ne détaille pas aujourd'hui, on laisse pour d'autres adorous. فهذا سي تري تري امبورطون ان اصل انحراف جميع الفرق في باب الاسماء والصفات لا كوز دو ليغارمون دو تو لي غروب زيغاري دون سو شابيت دو نون لي اتريبيو انهم يعتقدوا التمثيل اولا ils ont pensé que si tu dis qu'Allah il a tel nom tel attribut tu le fais ressembler à la créature. فبعضهم ils ont rejeté, بعضهم ils ont déformé, بعضهم ils ont fait ressembler Allah à la créature. Ahl al-Sunna, al-Firqa al-Nadiya, al-Ta'ifa al-Mansura, ils ont dit Allah il a des mains. Pourquoi? Parce Allah lui-même nous a informé. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam bi nafsi, bal yadah mabsutatan. Thumma, ils ont dit Allah il ressemble pas à la créature. Limada? Parce Allah azza wa jalla qala laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir. Donc Allah il a des mains et l'être humain il a des mains. Il est où le problème? Il n'y a aucun problème. Comme Allah il a une vie et l'être humain il a une vie. Comme Allah il est capable de tout, il a une qudra. Mutlaqa, il fait ce qu'il veut. Et l'être humain, il a une capacité et elle est faible. Wa hakada. Wa ahle sunna, c'est leur croyance, c'est la plus simple. Et c'est celle qui ne se contredit pas. Amma les autres croyances, elles se contredisent. Iyadam billah. Troisième chose dont on doit faire très très attention via hadha al-bab, at-takyif. At-takyif wa huwa ta'yin kun wa kayfiyat as-sifa. Et c'est de citer un comment à l'attribut. وَنْتَبِهُ هُنَا. Anna, tu as deux choses. Tu as الْكَيْفِيَة en elle-même, avec le comment, et tu as الْعِلْم بِالْكَيْفِيَة. Il y en a بعض الناس qui mélangent. فَلِهَذَا قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ مَعْنَا أَلَّا نَعْتَقِدْ لَهَا كَيْفِيَة. Ça ne veut pas dire que Sunni, il dit cet attribut n'a pas de comment. Là, chaque qu'il a un comment. Lakin, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, bel n'attaquit la kayfiyya, lakin al manfi ilmuna bil kayfiyya. On a ce qu'on doit faire attention, c'est nous, on ignore le comment. Mais là, chaque que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont un comment. La main d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a un comment, mais nous on ignore. L'imana on ignore. On revient au début du tars. En Allah Azza wa Jal, il nous a informé de la sifa. Il ne nous a pas informé du comment. Enfin, on dit qu'Allah il a une main. L'imana li annahu il nous a informé. Amma le comment, Allahu a'lam. Est-ce qu'il y a un comment? Na'am. Enfin, on ne dit pas, il n'y a pas de comment, c'est de l'égarement. Là, il y a un comment, il y a une qui vient, mais on l'ignore. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bi nafsi. Amma nous, on n'a pas été informé. Allah, il ne nous a pas informé les hikmah. Enfin, on dit Allahu a'lam. Enfin, fais attention à l'kayfiyya. Et l'kayfiyya, c'est lié au tamthil. Ceux qui font une kayfiyya, il fait une kayfiyya de sa tête, de quelque chose qu'il a vu ou qu'il s'imagine, il a akhir. Dernier point, al-tamthil. Wa huwa dhikr mumathil li shay. Al-tamthil, c'est faire ressembler Allah à la créature. Dire que les mains d'Allah sont semblables aux mains des créatures. C'est ça, al-tamthil. Wa hadha, c'est très très grave. Al-adillatu al-sam'iyya. النقلية والعقلية لبروف دو القرآن ودو السنة وكذلك لا raison يرجت التمثيل comment les on peut citer le dalil, on l'a déjà cité ensemble et c'est une règle, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Il y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah c'est السميع والبصير. On peut citer une فائدة هنا ان بعض اهل العلم يقولون ان dans ce verset Allah il a cité deux noms et deux attributs, السميع والبصير. Le nom du Sami' et du Basir, donc, كذلك, on stafadna deux attributs, As-Sam' ou Al-Basar. Vous avez remarqué que beaucoup de créatures, ils ont ces deux sifats. L'être humain, beaucoup d'animaux, ils ont Sam' ou Al-Basar. Ils voient et ils entendent. Allah, il a cité ces deux attributs et en même temps, dans le même verset, قال لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ تَسْتَفِيدُ une faïda عَظِيمَ أن Allah, il ne ressemble pas aux créatures. أما العقلية كذلك, la raison, أن الله سبحانه وتعالى هو الكرياتور. فpourquoi faire ressembler Allah à la créature? Tu as un dalil من القرآن, كذلك tu as des adillah في السنة, et حتى العقل, حتى la raison. C'est pour ça que لا تغتروا بهؤلاء. أنهم يبخطون suivre la raison et ils disent que les salafs ils ont délaissé complètement la raison. أبعد الناس عن العقل السليم c'est أهل البدع. خاصة الأشاعرة ils se contredisent كثيرا في هذا الباب. أما لا شك أن la raison elle accepte pas هذا. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il nous dit que sa créature ne ressemble pas. Tu trouves un jahil min juhala, min juhal al-ash'ara, il dit là, ça ressemble, donc on doit déformer. Iyadam billah. Aqidatu salaf, c'est une ni'ma. Aqidatu salaf, c'est as-salam min al-inhiraf wa al-tanaqud. Mais celui qui suit une autre aqida que celle des salaf, il se contredira. Il se fera beaucoup de mal. Il aura des doutes. C'est pour ça qu'on a déjà lu ensemble kalam ba'd a'immat al-ash'ira dans la kalima qu'on a fait sur l'ash'ira, ar-Razi wa autre wa al-Ghazali ila akhiri, annahum à la fin de leur vie ils ont regretté. Limadha li'annahum ils ont perdu leur temps. Des choses toutes simples. Allah subhanahu wa ta'ala il a informé qu'il a deux mains. On dit Allah il a deux mains. Yakfi. Aqidat salaf en haqiqa, vous avez vu que ça tient en quelques pages. On a dit sans le tahqiq c'est 20 pages ou peut-être moins. C'est ça aqidat salaf. Allah il a deux mains, on dit Allah il a deux mains. Allah il descend le dernier tiers de la nuit, Allah il descend le dernier tiers de la nuit. Tu regardes Ahlul Bida, les ouvrages qu'ils ont écrits, na'oudou billah. Des dizaines de volumes pour rejeter la tribu. À la fin de leur vie, ils ont regretté. L'imam al-Aliyana, c'est une perte de temps. Al-Haq, c'est fait le Coran ou fait le Sunnah. C'est pas dans la raison d'un tel ou d'un tel. Et un tel, qu'al imam al-Ghazali, ou l'imam al-Razi, haoula, a'immat al-Ash'ira, وَالزَّمَخْشَرِي إِلَى أَخْرِهِ. Tout cela c'est des a'imma dans leur égarement, c'était des afkiya. Tu lis leurs livres, t'as ta'ajjab la quwa qu'ils avaient dans la langue arabe إِلَى أَخْرِهِ. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala alam bi nafsi, ils se sont fatigués. Al-Jariya à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une esclave, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, aïn Allah, elle a dit fissama, elle a fait le haq. Demande à Ash'ari, aïn Allah et tu verras. لماذا لأنهم منحرفون. Ils ont délaissé الواضح والسهل. عقيدة السلف elle est fondée sur الوضوح et sur la simplicité. Et on a cité un point important, أن الاتفاق, on le répète, on a لأن on est في التمثيل, أن الاتفاق في الاسم وفي اللفظ, ça implique pas de تمثيل. Allah il descend le dernier tiers de chaque nuit, l'être humain il descend مثلا de chez lui, ne crois pas que la descente c'est la même. أبداً. C'est pour ça que السلف ils n'ont jamais accepté ceux qui disent « Mais si Allah il descend le dernier tiers de la nuit, est-ce que le trône il est au-dessus d'Allah ?» Azza wa Jal, Ça, c'est du tekif. Il s'est imaginé la descente d'Allah comme la descente à lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il descend le dernier tiers de la nuit, et il est au-dessus de son trône. Il fait ce qu'il veut, subhanahu. Ne pas rentrer dans cette chose. Allah, il a dit qu'il est au-dessus de son trône, et il a dit qu'il descend le dernier tiers de la nuit. Tu restes à la hada wa tartah. L'essentiel, c'est tu'min bihadi al-akhbar, et inshallah, yawm al-qiyama, tu rentres fil jannah, et tu verras Allah, azza wa jal. Al-Jahmiya, ils ont voulu faire passer la raison avant, ils ont rejeté Al-Qur'an wa Sunnah, tous les attributs et tous les noms, et c'est des kuffars. Al-Kafir, finnar, il ne verra pas Allah, azza wa jal. Qala al-imam Malik, rahimahullah, aw, hada. On fera la révision, inshallah, avec le athar de l'imam Malik, لأن الوقت ذهب نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. Notre prochain درس mardi في الاقتصاد في الاعتقاد. On continue, on a fini le premier chapitre, on commencera باب الاستواء إن شاء الله. Et كذلك notre deuxième درس في شرح رياض الصالحين. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.